Kovu. Bienvenue dans mon réseau. Pas du genre à calculer les os. Bébé, je veux que tu passes comme si t'étais sûr de toi. On finit sur le toit. Perché sur tes talons rouges, glisse sur la piste. Tout le monde te regarde, c'est toi l'artiste. Bébé, je veux que tu danses comme si t'étais sûr de toi. On finit sur le toit. Yeah. Toujours entre l'ombre et lumière. Trop de qualités, pas la peine que je les énumère. J'avais capté que t'avais rien au bout de l'annulaire. T'en es pas une, non, non, mais t'en as tout l'air. Tu m'as remarqué, fais pas semblant. Avant, après, surtout pendant. On va pas y passer 100 ans. On aura tout le temps de parler, enfant. Crie fort dans mes oreilles. Ta main sur mes épaules. Comme un rayon de soleil. Et puis toutes tes copines s'étonnent. N'écoute pas toutes tes copines, c'est des jalouses. Elles voient des chats partout. N'écoute pas toutes tes copines, c'est des jalouses. Des jalouses, des jalouses, des jalouses. Bienvenue dans mon réseau. Pas du genre à calculer les os. Bébé, je veux que tu danses comme si t'étais sûr de toi. On finit sur le toit. Perché sur tes talons rouges, glisse sur la piste. Regarde, c'est toi l'artiste. Bébé, je veux que tu danses comme si t'étais sûr de toi. On finit sur le toit. Yeah. T'es sur la défensive, mais y'a aucune offense. Ferme les yeux, bébé. Laisse parler tes autres sens. Je t'embrouille avec l'éloquence. Regarde stromboscopique quand elle danse. Coller la petite, coller, coller. Réduis la distance. Bouge tes hanches, reste pas immobile. On va pas se raconter nos vies. J'avais prévu un autre synopsis. Je suis fidèle comme Francesco Totti. Je veux connaître tous tes tatouages. Te regarder et dire que t'es à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Je vais te dicter ma loi. N'écoute pas toutes tes copines, c'est des jalouses. Elles voient des chats partout. N'écoute pas toutes tes copines, c'est des jalouses. Bienvenue dans mon réseau. Pas du genre à calculer les os. Bébé, je veux que tu danses comme si t'étais sûr de toi. On finit sur le toit. Perché sur tes talons rouges, glisse sur la piste. Tout le monde te regarde, c'est toi l'artiste. Bébé, je veux que tu danses comme si t'étais sûr de toi. On finit sur le toit. Jalouse, comme vous. Depuis sur le rooftop, on regarde le monde.